Top Chrono, rugby à 15. Tout, j'ai de la belle musique en retour et c'est très presque désagréable. Par contre, on va prendre bien sûr les Lesurs-Sorgues qui jouaient contre les Tendeberre. C'était les 32e de finale de Fédéral 3. On va dire qu'il prenait un encre puisqu'il prenait un premier de poule face à l'Île-sur-Sorgue qui a fait une belle saison. Je crois qu'ils finissent troisième dans ce quatrième dans ce championnat. On va voir David Fock, l'un des présidents de l'Île-sur-Sorgue. Est-ce qu'il est avec nous? Oui, bonsoir. Alors, le terme exact, c'est quoi? C'est Rugby Club Lillois, c'est bien ça? Lillois ou Boxland Club? Non, c'est Boxland Club. Boxland Club, oui, c'est vrai qu'il faut que je m'y fasse à toutes ces déterminaisons. David, eh bien, on est très heureux ce soir à la lecture des résultats quand même, de voir quand même que eh bien, l'Île-sur-Sorgue s'est comporté admirablement. C'était la première saison en Fédéral 3, si je ne me trompe pas. Oui, la première saison, oui. C'est une belle saison, il faut dire ce qui est, je veux dire. Oui, mais la construction, on va dire que les fondations étaient assez solides. Les murs et les agglos, c'était du banché, puisque ça n'a pas pris l'eau. La preuve, c'est que vous êtes en phase finale. Et quelque part, ben, c'est un petit peu la récompense du club, mais aussi d'un groupe de joueurs qui s'entendent bien et qui jouent pour vivre des événements. Et le premier événement, ben, c'était les Tendeberre. C'était le premier grand rendez-vous, on va dire, hein, puisqu'un premier de poule venait vous défier sur votre pelouse et vous avez gagné 24-20. C'est bien quand même, non? Ah oui, très très très très bien. Non, mais après, voilà, on prend les matchs un par un. C'est vrai que Ber venait en favori, hein. Premier de poule, deux matchs perdus dans la saison, c'est vrai qu'on ne connaissait pas, donc ça joue au rugby, eux ont été impressionnés, je pense, de la qualité des joueurs. Quoi. Ouais, tout à fait. Puis après, on regarde juste le tour d'avant quand même, quand vous tournez contre Palavas. Palavas, c'est pas simple hein, comme équipe. Hein. À la sortie, le premier match quand même 30-15, ça parle. Et après, bon, 16-16 à la maison. Mais le travail était déjà fait à l'extérieur, quoi. C'est ça. Hein. Oui. Alors, Palavas, une très belle équipe. Très joueuse. Après, je pense qu'on a une poule assez relevée. Assez relevée. Donc ça a permis aux joueurs de se former tout le long de la saison, parce qu'avec Lavalette, un gros leader, donc c'est important. Bonsoir David, j'arrive. David, bravo pour cette saison d'ailleurs, parce que monter pour la première fois en Fédéral 3, se qualifier, passer un tour de barrage, et puis là maintenant se peler Ber à la maison. C'est là maintenant c'est que du bonus de toute façon, puisque quand on monte on envisage rarement de jouer dans les playoffs dès la première saison. Vous faites plutôt une superbe saison, vous êtes quasiment jamais sorti des 6 de la saison, même jamais depuis le mois de septembre. Vous aviez bien préparé votre affaire, me semble-t-il. Oui, et puis non, l'objectif de la saison, c'était de se qualifier à un championnat de France, finir dans les 6 premiers. Donc voilà, après, c'est un objectif. L'année prochaine, on va essayer de passer un petit cran au-dessus, de passer dans les 4 premiers. Mais voilà, c'était programmé. Hein. On voulait se qualifier, on voulait qualifier les deux équipes. Donc le travail a été fait. Donc là, maintenant, c'est que du bonus. Bon, après, ça va être compliqué à Berge, je pense. Ouais, 4 points d'avance, c'est ça? Avant de se déplacer. Points d'avance, on aurait pu avoir une quinzaine de points d'avance, mais bon, c'est vrai que Berge est assez costaud, quoi. Ça fait quand même 3 ans qu'ils essaient de monter. Donc c'est eux qui ont été surpris. Hein. Nous, voilà, c'est que du bonus. Hein. Et vous étiez quand même dans une poule qui était assez dense, hein, parce qu'on voit que la Valette est allée du côté de nos amis les Angles, et là par contre il n'y a pas eu de détails, quoi, hein, 24-11 à l'extérieur, et en plus, excusez-moi de te le dire, mais ce sont des Varois, il paraît qu'ils savent recevoir les adversaires chez eux. Ouais, enfin nous, on s'est bien passé chez eux, hein, mais il y a un gros groupe, hein. Je pense qu'ils sont, comme j'ai dit, ils sont programmés pour monter, et je pense que c'est assez costaud. On connaît les entraîneurs de la Valette, ouais, juste de la Valette. C'est Patrice Blacher, un ancien joueur du Pontet, qui était parti très jeune pour aller évoluer au RCT et qui a fait sa carrière au RCT. Mais c'est Vauclusier aussi l'entraîneur de la Valette. Et comme tu le disais, David, c'est probablement le fait d'avoir cette poule assez relevée qui vous a préparé à vivre ce que vous vivez là maintenant depuis, depuis deux, trois semaines en phase finale. Oui. Ah oui, oui, tout à fait. Je pense que si on aurait été peut-être dans l'autre poule, je ne sais pas. Enfin là, nous, on a eu... tous les matchs ont été accrochés tout le long de la saison. Je pense que, enfin, à part deux clubs qui étaient distants, enfin, Bastia et Sifour, mais après, le reste, c'était assez dense. Hein. Mm-hmm. Assez dense. Donc, à la limite, c'est combien de... Nous, le club... Combien de tours encore pour envisager la montée, là, c'est... Encore, il faut passer les huitièmes. En fait. Il faut passer les huitièmes, hein. D'accord. Alors... Oui, enfin. et pourquoi pas, écoute. Qu'est-ce qu'ils sont dit les garçons après ce match quand même ? On va pas y aller, on va dire, avec le drapeau. Non, ils y vont pour gagner, ça c'est pas le souci. Mais enfin, même si on passe les huitièmes, on ne montera pas. Ouais. On ne montera pas parce qu'on sait le niveau qu'on a et le budget qu'on a. Donc, non, c'est du bonus, voilà, c'est... Alors, David, tu le sais, je vais le dire devant les auditeurs, si vous passez les temps de mer, eh bien, je me déplacerai du côté de l'Île-sur-Sorgue le 8 mai prochain, si c'était ainsi, hein, puisque vous recevriez en premier encore une fois, non, il me semble, si vous passez le 8e. C'est pas sûr. C'est pas sûr, d'accord. J'ai pas trop regardé, je pense pas, vu qu'ils jouaient, enfin, son premier de poule, je pense pas. D'accord, parce que normalement, s'ils sont premiers de poule, à nouveau, c'est passé encore... ce dimanche. Ouais. Ouais, d'accord. À chaque dimanche, c'est suisse à peine, on verra ça. Ok. Ah oui, non, mais ça c'est clair. Non, mais bon, voilà, c'était de pas être ridicule et voilà, de faire un plaisir aux spectateurs. Je pense que toute la saison, ils ont été ravis. Et voilà, il est préparé pour l'année prochaine, une aussi belle saison. David, pour faire voir un petit peu l'ampleur de ce club et ce travail qui a été fait depuis plusieurs années, combien de licenciés aujourd'hui à Lille ? 350. D'accord, un travail toujours bien construit au niveau de l'école du rugby ? Toujours. Hein, travail toujours. On a 70% d'effectifs seniors issus de la formation lilloise. On essaye de garder et bon après. Le niveau du travail qui est fait par les éducateurs vous permet d'évoluer dans différentes catégories, hein, que ce soit les moyens de 16, tout ça, à quel niveau ? Dans quel championnat ils sont engagés ? Au niveau des cadets juniors, les cadets sont en Telière A et les juniors en Ballandrade. Bon, cette année a été difficile pour eux parce qu'on a eu énormément de premières années. Un effectif de 35 de cadets et 35 juniors, un peu trop pour une équipe, pas assez pour deux. Mais beaucoup de premières années, donc on a eu cette année un peu difficile, mais bon, ils sont là pour apprendre. Hein. Et puis bon, cette année, on a eu 6 joueurs qui sont montés de l'année dernière, et il y en a 4 qui jouent en première. Qui est déjà pas mal. Ouais, c'est bien sûr que c'est bien. Après, oui, on travaille. Hein, on travaille. Voilà, j'ai vu le dirigeant. Années, on sur le niveau de l'école de rugby. On va y revenir avec Jean-Yves dans quelques minutes, mais j'ai vu le dirigeant de Monteux qui accepte la montée en fédéral 3. Et comme on sait que le comité s'est disloqué, les Angles iront jouer du côté de l'Occitanie. Et on retrouvera ici, bien sûr, Cavaillon. Monteux, vous, il est le. Peut-être pas l'Île-sur-Sorgue, je ne sais pas. Si, non, si Lille, oui, bien sûr. Ça fera des beaux derbies. Ça promet une paire de matchs sympas, non ? Ouais, ça va être pas mal. Oui, non, bah, les derbies, fin cette année, nous, on n'a pas eu. Enfin, on a eu Cavaillon, a eu un très bon derby. Bon, on a gagné chez nous. Le Ponté aussi. Le Ponté aussi. Oui, on va voir. C'est vrai qu'on va en pôle régional. Un petit peu dense. Si Martigues reste où ils en sont, si Aubagne reste où ils en sont, ben on a pratiquement, on a presque fait la poule. Hein. Voilà. En tout cas, bravo David. Ça fait des jolis derbies, hein, donc ça fera tourner un peu les buvettes. Et ouais, ça ramènera du monde. Et la tombola. En tout cas, bravo. Bravo pour le boulot que vous faites. C'est ça. Nous, au niveau des supporters, l'année dernière, on a eu une moyenne de 500 personnes au stade, l'année dernière, en honneur. Et cette année, c'est dans le même profil. Donc il y a un engouement au niveau de la ville qui est assez sympa.